Et comment cuisiner? Qu'est-ce que vous faites? Comment? Comment cuisine? La cuisine. Ah, cuisine? Ah. Vous mangez? Ah, la cuisine, je continue à la faire comme je la faisais avant. C'est-à-dire comme ma mère la faisait. Ah oui, toujours. Ah, mais on fait des choses qu'on fait ici aussi. On fait les deux. Il y a des plats d'ici qui sont très bons, qu'on les fait. Ouais. Quoi, par exemple? Qu'est-ce que vous mangez comme plat français? Ah, mais je pense que c'est plutôt des plats italiens que des plats français. Oui, on fait des plats italiens, des lasagnes au four. Au four, on fait des spaghettis avec le poisson, avec les tourtennes, les encornés, les spaghettis, avec les encornés faciles, les beaux spaghettis, c'est très bon. Et pour Pâques? Ah, pour Pâques, par exemple, c'est le gazadiel. On fait la pizza, une pizza que nous faisons avec du saucisson, du petit saucisson, des saucisses sèches, vous savez, des saucisses, on coupe à tranches fines, un peu, beaucoup de mozzarella coupée à tranches. On bat des œufs, je fais ma pâte, je la mets au fond de la tortière, puis après je bats tout ça, ces œufs, tout ça, bien battu avec du persil, beaucoup de fromage râpé, du parmesan et du sel et poivre. Pas beaucoup de sel parce que le saucisson est salé, le fromage est salé, tout ça est salé, alors pas beaucoup de sel. Très peu, très peu. Et puis on y met la mozzarella. À couper à tranches fines, et le saucisson, fin. On fait un étalage, et puis je mets tout l'œuf, il y a tout l'œuf là, puis j'en mets encore dessus. Puis je mets une pâte couverte, hein. Je couvre tout de tour comme ça, et puis je mets au four. Pour les fêtes de Noël, de Pâques, il y avait toutes des choses italiennes. Et moi, je me la rappelle bien, vous savez, là, cette fête-là, parce que j'avais 8 ans déjà. Je suis née en 1892, alors j'ai 88 ans, je viens d'avoir cette année. T'as commencé à être vieille, hein? Et puis, qu'est-ce que c'est que j'ai vu encore, là, comme fête? J'en ai vu. Et puis, quand on dansait, on dit sur le pont, on dansait tout le long. Il y avait des concerts, c'était bien, on vivait bien. Même qu'on n'avait pas le sou, ça fait rien, on était content, on vivait bien. Maintenant, on est bien, on est riche, pour ainsi dire. On rejoint les deux bouts. On est bien, mais on n'est pas heureux comme on était à cette époque. On était heureux. À notre temps, on était heureux. Il y avait des fêtes en pagaille de partout. Et quand on a fait le transbordeur, là, le feu d'artifice qu'il y a eu là, quand on l'a étreiné, vous ne pouvez pas vous faire une idée, il y avait la République tout entière allumée. La République, la femme. Ah, ça, tout entière. Le transbordeur, il était allumé d'un bout à l'autre, comme ça, plein. C'était merveilleux, merveilleux. Oh non, c'est vrai ça. Alors ça, nous étions à côté, nous, on n'avait qu'à descendre, on n'allait pas loin. Vous c'était voyez, pas mal. Je vous demandais rien de plus.